Monologue suivi. Alors, ma ville, c'est Maracaibo, au Venezuela. C'est la deuxième ville du pays, après Caracas, qui est la capitale du pays. Mais Maracaibo est la capitale de l'état de Zulia. Elle est au bord de la mer des Caraïbes, et aussi au bord d'un lac, qui s'appelle le lac de Maracaibo. C'est important parce que l'économie de ma ville vient du pétrole, et le pétrole se trouve au fond du lac. Il y a beaucoup d'habitants, 1,3 million dans la ville. Le lac est aussi très important pour la circulation des personnes et pour le commerce. Il y a encore des gens qui vivent au bord du lac. C'est une zone très touristique. Mais Maracaibo est aussi une ville très moderne.